Chapitre 7e. Lorsque, le lendemain, Josette sortit, le temps était gris et sombre, un de ces temps neigeux sans neige, par lesquels le ciel de plomb paraît si bas, qu'il semble presque qu'on puisse le toucher. Les Champs-Élysées étaient lugubres, à peine quelques fiacres montaient l'avenue, remplie de ces figures étranges et patibulaires qui composent à présent, en grande partie, le monde des courses. Car ces têtes bizarres, nés des courses suburbaines, ont peu à peu inondé le turf élégant. Singulier amalgame de calicots et de lades, de garçons de café, de marchands de lorgnettes, on ne saurait dire au juste à quelle catégorie sociale appartiennent ces types particuliers. Le coudoiement forcé de ce monde ignoble avait insensiblement dégoûté la comtesse des courses. Sans analyser ce qu'elle éprouvait, elle était choquée de cette promiscuité et n'allait plus que de loin en loin à Auteuil ou à Longchamp. La Victoria filait rapidement. Elle s'arrêta rue Montaigne. En descendant, Josette, qui avait eu très froid, dit au valet de pied « Retournez à la maison. Vous prendrez ma grande pelisse de fourrure et vous reviendrez m'attendre ici. » Elle entra seule et demanda au concierge « Le marquis de Dammartin ?»« À l'entresol, la porte à droite. » La vieille renure a une bien belle sonnette, se dit la comtesse en tirant l'anneau formé de deux colossales griffes de tigre suspendues à une chaîne d'argent. C'est très chic, mais un peu trop bibelot. Un valet de chambre élégant, à face canaille et futée, ouvrit. « Je viens pour voir un tableau, » dit Madame Moret. « Si Madame veut entrer. » Le domestique fit traverser à Josette une antichambre sombre, à peine éclairée par une lampe au palais, et l'introduisit dans un salon charmant tout plein d'objets d'art, de tableaux et d'armes anciennes arrangées avec goût. Partout de lourdes tentures, épaisses et assourdissantes. Dans la cheminée, un grand feu de bois, illuminant toute la pièce de sa lueur rose. La jeune femme enveloppa l'appartement d'un regard, et cherchant son petit tableau qu'elle n'apercevait pas, elle se retourna pour parler au valet de chambre, mais il s'était discrètement retiré. Au même instant, une portière se souleva et l'aréole parut. « Ah !» fit simplement Josette, comprenant dans quel piège elle tombait. Puis, abaissant ses longs cils, elle attendit. L'aréole comptait sur une explosion de colère. Ce calme le déconcerta quelque peu. « Vous ne pensiez pas me trouver ici ? » demanda-t-il après un silence. Relevant vivement la tête, la comtesse, au lieu de répondre, interrogea « Me direz-vous ce que vous y venez faire ?»« Mais j'y viens pour vous voir. Puisque je ne vais plus chez vous, il faut bien que je vous rencontre chez les autres. » Et M. de Dammartin s'est prêté à cette jolie machination. « Nullement, je lui ai demandé son appartement pour y recevoir quelqu'un. Et c'est alors qu'il m'a fait prévenir que je pouvais voir aujourd'hui son tableau. Jamais de la vie. » Pour une fois que cette pauvre vieille renure est innocent comme l'enfant qui naît, il faut lui rendre justice. Le tableau n'est pas ici. Mais ce marchand qui ? Innocent aussi, le marchand. Tout le monde est innocent, excepté moi. Que voulez-vous ? Il fallait être moins sévère. Vos refus ont exalté une passion déjà très violente, et pour satisfaire cette passion, je suis résolu à ne reculer devant rien. « Bah, vraiment ? » dit moqueusement Madame Moret, qui, se remettant, redevenait elle-même. Elle fit quelques pas, cherchant la porte par où elle était entrée. « Inutile, » insinua l'aréole, « elle est fermée. » Josette commença à avoir vraiment peur. « Cessons cette plaisanterie, » dit-elle, « je veux sortir, entendez-vous » « J'entends bien, mais il ne me plaît pas que vous sortiez. Vous seriez capable de ne pas revenir. Allons, le mieux de prendre votre parti en brave, et vous en irez dans une heure ou deux. » « Si vous êtes bien sage. » La comtesse sentait une colère plus forte que la peur lui monter au cerveau, colère d'autant plus terrible qu'elle cherchait à la contenir. « Expliquez-vous, » dit-elle sourdement. « Je ne demande que ça, » répondit-il. Et s'avançant vers elle, il la prit dans ses bras. D'un bond, elle se dégagea, courant vers la sonnette, mais elle réfléchit que tout était prévu, qu'on ne viendrait pas à son appel, et sa main retomba sur la cheminée. « Ah, il paraît que vous avez enfin compris ce que je veux, » dit l'aréole, étranglée par l'émotion très vive qu'il éprouvait. Josette, promenant machinalement sa main sur la peluche de la cheminée, venait d'y trouver un petit poignard court, épais, à lame triangulaire et affilée. Pas un joujou, une arme solide et pratique. « J'ai compris, en effet, » répondit-elle, « et je vous préviens que plutôt que de me laisser toucher par vous, je suis décidé à tout, moi aussi. » Elle fit un mouvement, l'aréole s'élança en disant d'un air narquois, « Comme Lucrèce ? Oh, ce serait trop dommage. Tu Dieu, je ne vous savais pas si romaine que ça. » La comtesse sourit d'un sourire aigu, montrant ses dents blanches. « Me tuer, moi ? Imbécile ! » Le saisissant par l'épaule, si brusquement qu'elle le fit trébucher, elle le poussa devant la glace, le collant à la cheminée de façon à empêcher tout mouvement du côté qu'elle ne tenait pas. « Mais regardez-moi donc » dit-elle d'une voix que la fureur faisait trembler. « Est-ce que j'ai la tête d'une femme qui se tue ? Vous vous méprenez, monsieur de l'Aréole. Ce n'est pas moi que je veux tuer, c'est vous. N'est-ce pas bien plus moderne ?» L'Aréole voulut faire bonne contenance, sourire, mais le cœur lui manquait. La main de la comtesse, pesant sans effort apparent sur son épaule, le faisait malgré lui fléchir sur ses genoux. En levant les yeux, il se voyait dans la glace, blême, effaré, terrifié de sentir qu'elle était la plus forte. Un peu en arrière, il apercevait Josette, presque plus grande que lui, froidement menaçante et résolue. Dans la main droite, elle tenait toujours le petit poignard, sans toutefois faire mine de vouloir s'en servir. D'un coup d'épaule, il essaya de faire lâcher prise à la jeune femme, mais elle le serra plus solidement encore et, levant le bras, lui dit tranquillement « Vous voulez donc que je frappe ?»« Eh bien, soit » s'écria-t-il, espérant la toucher. « Tout, plutôt que vivre sans vous, frappez, je vous en prie. » « Ah, ne me dites pas ça !» répondit Josette, chez laquelle le gamin reparaissait toujours. « C'est imprudent, si vous saviez à quel point j'en ai envie !» Elle ajouta « À présent, voulez-vous me laisser sortir ?» Et voyant qu'il hésitait, « Vite, n'est-ce pas, je perds patience. Je ne suis pas du tout né pour le drame, moi. Est-ce que ça m'ennuie ?»« Eh bien, laissez-moi, » dit l'aréole, « je vais vous ouvrir. Je vous en donne ma parole d'honneur. » »« La seule qui ne vous engage en rien. Non, je n'ai pas confiance. » Tandis qu'il marchait vers la porte, Madame Moret, lui incrustant toujours ses doigts dans l'épaule, le regardait avec regret. Quel dommage de ne pas tuer cet homme, dire qu'elle le tenait si bien, et que ça rendrait service à tant de gens, sans parler d'elle-même, car il allait inventer quelque nouvelle infamie, bien sûr. L'aréole devina ce qui se passait en elle. Les yeux verts de Josette lançaient les méchantes flammes pâles qu'il connaissait si bien. Il devint humble. « Me pardonnerez-vous jamais ? » demanda-t-il. Sans répondre, elle lui fit ouvrir la porte toute grande, et ne le lâcha qu'en apercevant le valet de chambre qui se levait lentement de la chaise gothique placée devant la table de l'antichambre. Alors, tandis que l'aréole s'inclinait, elle lui dit en le regardant avec dégoût « Croyez-moi, retournez à vos amours ordinaires. Décidément, les fantaisies désintéressées ne vous réussissent pas. » Josette descendit en courant l'escalier, craignant encore quelques nouvelles surprises. La peur la prenait bien plus forte que tout à l'heure. Tant que l'énergie était nécessaire, elle avait été énergique. Mais à présent, la réaction se faisait avec une violence extrême. Les larmes lui montaient aux yeux. Elle avait les jambes molles et la tête vide. Elle souffrait beaucoup. Quand elle fut en voiture, elle se remit vite, riant presque de son aventure et se blaguant elle-même. « Devais-je être assez ridicule avec mon petit couteau ? Il est vrai qu'il n'avait pas l'air très spirituel non plus, le beau l'aréole. » Il avait une peur bleue. J'espère qu'à présent, qu'il m'a vu sous cet aspect de virago, il sera calmé. C'est égal. Si Madame de la Saussée avait été cachée sous un fauteuil, l'aréole aurait bien pu perdre une partie de son prestige. La vérité, c'est que cette histoire est absurde. Qu'est-ce que je vais dire, moi, quand on me demandera si j'ai mon tableau et combien je l'ai payé? J'espère que Paul n'y pensera pas. Et à maman? Eh bien, maman, je lui raconterai ce qui s'est passé. » Elle avait baissé les deux glaces et aspirait avec joie l'air humide et pénétrant. Quel bonheur de se sentir libre, de respirer. J'étouffais dans ce salon. C'était l'angoisse. Oh, j'ai eu un instant horriblement peur. Je n'espérais pas être la plus forte. Ce pauvre l'aréole. Il faut qu'il ne soit guère vigoureux pour n'avoir pu m'échapper. Soudain, elle pensa à André. S'il savait cela, Bon, ça lui serait bien égal à présent. Est-ce qu'il se souvenait d'elle seulement? Depuis 6 jours, il n'était pas venu la voir, pas même aux heures où il savait rencontrer du monde, s'il voulait éviter d'être seul avec elle. De son côté, l'aréole se trouvait bien maladroit de n'avoir pas su tirer mieux parti de la situation. J'étais grotesque devant elle. Mais aussi, ce n'est pas une femme, c'est un Hercule. J'ai l'épaule meurtrie. C'est qu'elle m'aurait tué sans faire ni une ni deux, j'en suis bien convaincu. Apercevant planté dans le tapis le petit poignard que la comtesse avait jeté en s'en allant, il le retira. Bigre, je crois bien qu'elle m'aurait tué avec cet outil-là. Il est fiché dans le parquet à ne pouvoir l'enlever. Je vais le prendre à la vieille rognure, ce poignard, ça sera mon fétiche. Et qui sait, la veine va peut-être me revenir. Je n'attends pas qu'il rentre, cet excellent Dammartin. Je n'éprouve pas le besoin de le voir. Il flairerait que son appartement ne m'a pas servi à grand-chose. Je vais m'habiller. Le dîner de Moret est à 7h30 et avant, il faut que je parle à Ledru. Pour savoir à quelle sauce on sera mangé. Il n'a aucune raison pour me ménager, moi. Ce pauvre Moret. Il va boire un de ses bouillons. Je ne pense pas que sa femme aille lui raconter la petite anecdote d'aujourd'hui. Ce serait complet.